revenez là où nous avons lu 1 Samuel. Tunaweza kurudi mahali tuliposoma ndani ya kitabu cha Samueli. Je vous montre quelque chose et puis on partage sur les points qui restaient et puis nous prions. Tutazungumzia kidogo juu ya iliyobaki na kisha tutaomba. Bwana sifiwe. Amen. Verset 10, où nous avons lu. Shaili la kumi mahali tuliposoma. Chapitre 1, verset 10. Sura moja, mstari wake wa kumi. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Kupitia uchungu wa moyo wake, akamomba Mungu, akitoa machozi. Et au verset 11, pour ceux qui sont arrivés après, nous avons dit. Na kwa wale ambao umefika nyuma, tumesema. Que nous pouvons, nous sommes appelés à formuler notre prière. Et puis ensuite nous prions. Quelquefois, lorsque nous allons dans des prières émotionnelles, nous risquons de prier pendant longtemps. Mais quand nous nous arrêtons et nous évaluons et nous réfléchissons sur qu'est-ce que nous voulons demander, ça nous permet de tenir compte de certains facteurs qui favorisent l'exaucement. Et Anne à repérer des indices ou des indicateurs qui lui permettraient d'être exaucé. Elle dit, hier j'ai prié, je venais devant Dieu et je disais, Seigneur, tu vois ma rivale me torture. Tu vois, ça fait des années maintenant. Tu vois combien c'est douloureux. Les amis se moquent de moi. Elle venait émotionnellement devant le trône. Mais finalement ici, pour la énième année, elle s'arrête et elle formule sa prière. Elle dit, Seigneur, je veux un enfant mâle. Si tu me fais grâce de me donner un enfant mâle, je le prêterai à toi, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le rasoir passera point sur sa tête. Et puis le verset suivant dit, et elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Et le serviteur de Dieu était assis dans ses coins. Il regardait ce qui se passait. Et cette femme, devant le Seigneur, elle n'avait plus les mots. Il est écrit, elle parlait dans son cœur. Verset 13. Elle ne faisait que remuer les lèvres. On n'attendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle est ivre. C'est que c'était sérieux. Mais avant qu'elle pense qu'elle est ivre, elle a formulé sa prière. Et maintenant, quand elle est en train de parler sans parole, je pense qu'elle est entrée en langue. Quand elle parle sans parole, il y a une prière écrite. Il y a une prière qu'elle a déjà formulée. Lorsqu'elle parle sans parole, elle a déjà introduit le sujet devant le trône. Et je voulais vous montrer ceci. À quoi ressemble son exaucement? Verset 17. Élie reprit la parole, virgule, et dit, deux points, va, virgule, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle est exaucée. Elle se leva, partit, fêta, et c'était parti. Après les 9 mois, elle revient et elle dit, C'est pour la fin que je priais l'autre fois. Là. Enfin, l'enfant en question, c'est lui-là. Je suis venu apporter l'exaucement physique. Mais il y a eu un précédent exaucement. C'était un exaucement parole. Dites avec moi exaucement parole. Exaucement parole. Dieu exauce par la parole. Il est écrit dans les textes qui suivent. Et Dieu se révélait à Samuel, à Silo, par la parole de Dieu. Et Dieu venait visiter Samuel par la parole de Dieu. Beaucoup de gens, depuis le début de la semaine, sont déjà exaucés par la parole qui a été donnée. Et tu verras s'accomplir ce qui a été dit. Alléluia. C'est pour ça qu'il est bon quelquefois de prendre le support et aller le réécouter afin de repérer et de retrouver les jours où une parole a été dite sur toi. Et tu t'inscris dans cette parole. Anne se leva et elle partit. Elle n'a pas rencontré son mari à l'église, mais elle est déjà exaucée à l'église. Il y a des choses que tu n'as pas encore palpées ici à l'église. C'est pourquoi je vous ai dit le vendredi, certains sont guéris, mais ils auront besoin d'aller vérifier avec des machines pour que la machine leur dise que la chose n'est plus. Tu es déjà guéri. La guérison n'est pas seulement la fin d'une sensation. Que ni quoi n'a ce qu'il y a, pas ni quoi ce qu'il y a. Ça c'est ce qui est éteint. Mais je ne me sens plus là-bas. C'est pas seulement ça le phénomène de la guérison. Dieu peut enlever la racine du mal. Dieu enlève la racine du mal. La fondation de la maladie. Tu peux avoir un goitre. Et Dieu enlève la racine de ça. Tu peux avoir des myomes. Et Dieu enlève la racine de ça. C'est-à-dire le système qui engendre ça. Ce système qui reproduit des cellules malsaines. Dieu tue ce système-là. Il peut encore y avoir quelques petites boules. Mais bientôt tu vas constater que toutes ces boules sont mortes. Et c'est sorti même. Et je ne sais pas à quelqu'un. Lorsque Dieu parle, il agit. Il envoya sa parole. Et les guérit. C'est-à-dire, tu les as guéris comment? Pas par des comprimés, mais par des phrases. C'est pourquoi il faut respecter les paroles qui sont dites à l'autel. Parce que votre guérison est cachée dedans. Votre prospérité est cachée dedans. Votre victoire est cachée dedans. Votre délivrance est cachée dedans. Écoutez-moi. Il y a des démons qui règnent sur vous de manière sournoise. Vous ne les avez jamais sentis. Et par une parole prononcée, ces démons vont partir définitivement. Vous n'allez aussi rien sentir. Mais vous allez constater dans la suite que les choses ont changé. Vous ne dormiez pas avant. Mais est-ce que quand on prie pour vous à l'église, vous allez sentir maintenant que vous dormez? Vous allez sentir que vous dormez à l'église? Non. Mais qui faisait que vous ne dormiez pas? Les esprits méchants qui vous torturait et vous empêchait de dormir. Et devant la présence de Dieu, cet esprit est chassé. Et il est parti. Quand vous sortez de l'église, vous entendez les autres passer devant pour témoigner. Or toi aussi, tu es déjà délivré. Tu n'attends que quelques minutes. Quand le temps pour dormir va arriver, tu vas constater que c'était déjà résolu. C'est réglé. Il y a le phénomène de la pauvreté. Quand on prie pour toi à l'église et qu'une parole sort pour toi, est-ce que tu sens déjà des billets de banque monter dans tes poches ou dans ton téléphone comme font certains actuellement? C'est comme ça. Est-ce que tu n'es pas encore exaucé? Si. Une parole est sortie. Et il dit, va. Et que Dieu t'accorde ce que tu viens de demander. Et la femme crut. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vivras les merveilles de Dieu. La foi, c'est de croire ce que Dieu dit. Alors je peux poser la question. Qui pense qu'il est déjà exaucé? Ça dit, il va arriver que tu es en train de demander quelque chose pour laquelle Dieu t'a déjà exaucé depuis mardi. Il a déjà enlevé la clé du malheur sur ta vie. Il a déjà enlevé la fondation du célibat dans ta vie. Il a déjà enlevé. Est-ce que vous vous rappelez de ces choses? Il a déjà retiré l'aiguillon du mal. Il a déjà retiré l'aiguillon du malheur. Mais ce n'est qu'une question de temps pour que tu commences à constater que je suis heureuse. Semaine passée, c'est quoi, Yves? La semaine passée, je n'étais pas comme on ça. Qu'est-ce qu'il y a? L'aiguillon du péché, l'aiguillon du malheur, l'aiguillon du mal était retiré. Or, cet aiguillon peut être appelé également le sceptre de la méchanceté a été enlevé. Tu as été dégagé du sceptre de la méchanceté. Et désormais, tu es libre. Tu es délivré. Et tu le verras s'accomplir. Ne t'étonne pas que dans les jours qui viennent et les heures qui suivent, tu rentres dans ton entreprise, tu touches X, Y, ça marche. Je déclare qu'à partir de maintenant, la pauvreté qui régnait sur toi te laisse, te libère au nom de Jésus-Christ. Je proclame que le célibat qui écrasait ta famille depuis les générations précédentes quitte ta famille et te quitte personnellement au nom de Jésus. Je proclame à partir de ce soir que les misères intérieures qui produisait des résultats malheureux dans ta vie sorte et te quitte au nom puissant de Jésus et tu le verras s'accomplir à partir de ce soir. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, nimewambia, ne ratez pas les enseignements. Parce que les enseignements nous permettent ou nous aident à mieux prier, nous aident à mieux comprendre nous sommes dans quoi. Alléluia. Amen. Et Dieu Namungu est à l'aise anafurahi quand il s'entretient avec des personnes qui comprennent. Wakati anashiriki na watu wanaoelewa. Même le Saint-Esprit guide plus facilement quelqu'un qui comprend les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis tôt le matin, dans ma prière, Dieu était en train de me mettre à cœur de prier pour les mères des nations, ceux qui n'ont pas encore des enfants, les hommes qui n'ont pas encore des enfants, qui sont mariés. Vous êtes mariés, vous n'avez pas encore les enfants, vous ne saviez pas encore. Aujourd'hui, c'est votre jour. Avancez ici devant. C'est votre heure. Nous voulons prier pour vous. L'assemblée, levons-nous. Nous prions pour ces bien-aimés. Dieu m'a vraiment mis à cœur. Et quand je suis venu à la prière matinale, l'officier a beaucoup parlé de ça. Et quand nous sommes venus ici le soir, c'est tout ce qui tourne ici. Et puis ça aussi, c'est un exaucement dans le même cas. Viens rapidement. Le Dieu des cieux est au rendez-vous. Et si tu as un frère qui est dans le cas et qui est quelque part n'est pas présent, viens le représenter. Mais si tu n'es pas marié, ne viens pas ici. Tu peux venir si tu viens représenter quelqu'un. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame Dieu avec colère. Seigneur, la vie va mettre au monde. Yekarabayo shatabayaka. Kerebo shitarabagaya. Commence à louer le Seigneur pour les enfants qu'ils vont porter. Commence à louer le Seigneur là dans les rangs. Shitagayabo shitaraban salagariza. Eyakeri akosa. Tekeribo sinka idegia. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uko hai. Uko hai Bwana. Uko hai Yesu. Uko hai. Wewe ni yule jana, leo na hata milele. Wewe ni Bwana, unaweza vyote. Wewe ni Yesu, mukombozi wa ulimwengu. Wewe ulishinda kifo, ulishinda utasa, ulishinda tangu mwanzo. Au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Les serviteurs de Dieu commençaient déjà à prier. Levez les mains là où vous êtes. Unions dans la prière. Lord, my Father. Nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous dispensons les enfants maintenant. Karababa yabata. Takayabo shetei. Lizentarubo karomeasa. Kwa jina la Yesu Kristo aliye. Kwa jina la Yesu. Mamba kata pakaruzia. Mabara masanta, teka yesa telude, te teke remo shikarama, libonda lo ligeri, ridari akopiri kashaya, le sita radadia, rimoka raba yaketi, le si olibo, takalome asankalisha, in the mighty name of Jesus, mighty Father, you are the same. You are the same, my Father. You are the same, my Father. You never change, oh Lord. You never change, oh Lord. Oh Lord Jesus, personne ne rentre de ce lieu sans sa progéniture. Au nom puissant de Jésus. Karamashata bakaya. Prions, prions. Tu ombe, tu ombe. de Jésus. Accorde sa progéniture. Accorde Dieu, accorde Seigneur, accorde maintenant. Reçois ta progéniture. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Reçois tes enfants. Dans le nom de Jésus. Reçois tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ramakara bochere kalabase yalu karabazaza. Dia karo koti dia. Kwa chingala Yesu. Reçois tes enfants maintenant. Reçois tes enfants maintenant. Reçois au nom de Jésus. Et rebachenta ruka. Kwa chingala Yesu Christo. Kwa chingala Yesu Christo. Reçois rabakasha. Keta takarebo shaka. Out in Jesus' name. Kera bagayoliza. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Je démolis les obstacles. Je démolis les obstacles. Je démolis les obstacles. Au nom de Jésus-Christ. Mata karobisi. Jenta karabaya. Robeja keti olozia. Kwa jina la Yesu Christo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesha kimo la siya luga. Kwa jina la Yesu Christo aliye. Oriege ya baka roji kala zoka. In the name of Jesus Christ. By fire. I release your children. By fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mighty Father, you are the same. Yeah, Yakaboshi, Ramasa Tabareka Revolisha, Yaka Ramaseya, by fire I destroy it. I destroy every obstacle in the name of Jesus. Emakarebo Shiti Alakola, Kwachina la Yesu Christo, Kwachina la Yesu, Kwachina la Yesu, Eya Mama, Mama, Mama, Mama, Roka Mama Yabarababa, Yese Terebo Shaka Yabarala. Yes, Kwachina la Yesu. You are the same, Lord. You are the same, my Father. Tu es le même, mon Père. Accorde nom de Jésus. Yenarabaya le korabasha. Kerabashe tereboshaya. Kwachina la Yesu. Kwachina la Yesu. Kwachina la Yesu. Kwachina la Yesu Christo. Et Ramashaka, écoute cet enfant. Et c'est Reboya, et Karamashaya. Kwachina la Yesu. Kwachina la Yesu Christo. Kwachina la Yesu. Karamashete Reboshake. Iriakamashataba. Relève la tête. Relève la tête. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Au nom de Jésus. Relève la tête. In the mighty name of Jesus, Ekama yeketa be ala koreba zia. Kwachina la Yesu Christo, reçois tes enfants au nom de Jésus Christ. Vous qui êtes avancés, mettez vos mains sur votre ventre. Mettez vos mains sur votre ventre. Assemblez, priez avec moi pour eux. Levons nos mains. Tout le monde soyez debout. Cette affaire nous concerne. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, je viens en tant que dispensateur des mystères de Dieu, dans ce couple, ici présent et ici représenté, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je brise, priez avec moi, je brise les obstacles à la procréation. Je brise les obstacles aux fruits des entrailles. Je brise les obstacles au nom de Jésus, l'infertilité, je la remplace par la fécondité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je communique la fécondité, je communique la fécondité, je communique la fécondité au nom puissant de Jésus. Maintenant je ravage les obstacles physiques, les obstacles physiques, les obstacles physiologiques, les obstacles humains, les obstacles spirituels. Toi mari de nuit, toi femme de nuit, sors par le feu, je sanctifie ses entrailles par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, mon Père, tu m'as dit le matin que ces bien-aimés viendront témoigner dans les grâces insondables de 2021. Je prie à partir de maintenant que ton oui soit oui sur chacun d'entre eux. Hommes et femmes, et ceux qui ont été représentés là où ils se trouvent, que la puissance du mystère, la puissance du mystère, le mystère de Dieu, le mystère de Dieu, j'appelle le mystère de Christ, j'appelle le mystère de Christ, j'appelle le mystère de Christ dans leurs entrailles. Le mystère de Christ ouvre les portes, ouvre les portes de leur procréation, leurs entrailles. Est déclaré fonctionnel, fonctionnel, béni. Je bénis tes entrailles, je bénis tes entrailles au nom de Jésus-Christ. Je sanctifie tes entrailles au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la conception, la conception au nom de Jésus. Je proclame la prise en charge de la croissance des enfants dans les seins maternels au nom de Jésus. Oh mon Dieu, donne des singletons, donne des jumeaux, donne des triplets, donne des quadruplets au nom puissant de Jésus. Il est écrit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Restitue à cette femme, restitue à cet homme les années des larmes, les années que l'ennemi a marché sur eux, les années qu'ont dévoré les démons, les années où le chef de la méchanceté les a empêchés d'allaiter. Tu allaiteras désormais, tu allaiteras désormais, tu porteras tes enfants dans tes bras au nom de Jésus de Nazareth. Il en soit ainsi et il en sera ainsi. Ce ne sera pas la première grossesse, ce sera la grossesse qui ouvre la suite au nom puissant de Jésus-Christ. Cette grossesse va tenir jusqu'au bout. Tu vas porter tes enfants et tous les enfants qui viendront après sont à toi. Ta progéniture est arrivée. Élargis l'espace de ta tente. Prépare la maternité, car tes enfants accourent. Ta progéniture accourt. Elle frappe à la porte et elle est arrivée. Au nom puissant de Jésus, on acclame très bien le Seigneur. Levez-vous. Allez porter vos enfants et revenez avec pour témoigner et rendre gloire à Dieu. Quelqu'un peut encore célébrer Dieu? Quelqu'un peut célébrer Dieu? C'est fait. C'est fait. Par le nom du Dieu vivant. C'est fait. À cause de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors prenons rapidement, asseyons-nous. Nous étions en train de parler hier. De l'emprise ou des emprises ouvertes, nous pouvons offrir à Dieu maintenant. Et nous avons parlé de la maladie, de la souffrance, de l'affliction. Nous avons parlé de la pauvreté. Et nous avons prié pour ça hier. Je te rappelle que tu n'es plus pauvre. Tu n'es plus pauvre. Dis avec moi, je ne suis plus pauvre. Je suis riche. C'est ce que Dieu a fait à moi. Que le pauvre dit, je suis riche. Je puis voir, c'est ce que Dieu a fait. Hosanna, Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna, à l'agneau sacrifié, Hosanna, Hosanna, Jésus mort et glorifié. Je déclare que tu vas payer tes dettes. Les jougs de la pauvreté t'a mis en prison des dettes. Je déclare ce soir que le cycle des dettes est arrêté. Désormais, tu travailleras avec tes propres fonds au nom de Jésus. Désormais, tu vas vendre et tu vas avoir des clients suffisamment. Tes clients arrivent massivement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Les mystères du malheur est clos sur ta vie, sur ta destinée, même sur ta progéniture, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le sceptre de la méchanceté est brisé. Il est brisé. Lève-toi et va travailler. Tu vas voir les mystères de Dieu qui naviguent sur ta terre. Ce mystère ouvre des portes. Ce mystère ouvre des opportunités. Ce mystère te présente de manière agréable. Ce mystère te fait briller. Ce mystère te donne de l'intelligence pour discuter des contrats. Ce mystère te donne les grâces pour communiquer avec les partenaires. Ce mystère, il est sur toi. Au nom de Jésus, va et prospère. Au nom de Jésus. Parlons des emprises sociopolitiques rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, depuis le commencement, Dieu a toujours voulu diriger les êtres humains, organiser les êtres humains. Quand vous allez dans les jardins d'Eden, dans Genèse chapitre 1, verset 26 et suivant, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Qu'il administre, qu'il gère. Et au chapitre 2, verset 15 à 17, Dieu dit à Adam, tu es dans le jardin d'Eden, administre le jardin, gère le jardin. Il dit, cultivez le jardin. Et quoi? Gardez le jardin. Comment on garde une société? Bientôt Ève va arriver. Bientôt Caïn va arriver. Abel va arriver. Gère les jardins. Maintenant, tu es seul dans les jardins. Mais bientôt, il y aura une deuxième créature. Il y aura une troisième, une quatrième, une cinquième, une millième. Gère les jardins. Autrement, administre les affaires. Gère les affaires de Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas contre la politique ou la gestion de la société, la gestion de la cité. Ça fait partie de la logique de Dieu. Ce n'est pas un péché de devenir député, de devenir ministre, de devenir chef de quartier, même de devenir nyumba kumi. Ce n'est pas une honte de devenir nyumba kumi. Ça fait partie des stratégies de Dieu pour gérer la société. Pourquoi tu veux que l'homme correct gère la société? Pourquoi tu veux que l'homme juste gère la société? Parce que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand les méchants dominent, chacun se cache. C'est pourquoi il faut des hommes justes. Je peux voir un homme juste, une femme juste dans cette salle. Je peux voir quelques femmes justes là derrière. Est-ce que je vous vois? Est-ce qu'il y a une main qui se lève? Oui, je vois. Dieu est en quête des hommes justes. Dieu est à la recherche des femmes justes. Dieu a besoin des gens justes pour diriger la société. Pour quelle raison? Quand ils vont diriger, l'ensemble du peuple sera dans la joie. Mais très vite, depuis le jardin d'Eden, les êtres humains ont commencé à choisir d'aller recourir au diable. Et le malheur est arrivé. Le malheur est arrivé. Chaque fois qu'une société sera dirigée par les hommes sans Dieu, le sceptre de la méchanceté viendra sur le peuple. Du fait que ces gens sans Dieu, ils sont une main d'œuvre facile. Une main d'œuvre facile pour le diable. Et que le diable ne vient que pour voler, détruire, égorger. Lorsqu'il réussit à installer des méchants dans le leadership d'une société, c'est fini. Ne vous étonnez pas que nos sociétés soient bizarres. Je vais parler de quelque chose. Je vous avais promis dans le tournant décisif qu'on allait prendre un temps pour parler de quelque chose de fondamental pour la progression d'une nation. J'appelais ça les fondamentaux vitu vya msingi de la levée d'une nation. Juu ya kuinuka kwa taifa. On n'a pas eu le temps d'en parler, on aura le temps un jour. Hatukukua na muda wa kuiongelea lakini tutapata muda siku moja. Alléluia. Amen. Je vais tirer juste un élément de ça. Naweza tu kuondoa kitu kimoja. Regardez notre nation. Tazama taifa letu. Le système de fondation de notre nation. Jinsi jamii yetu inakuwa na msingi wake. Est basé inakuwa sur des familles. Inakuwa na isimamia juu ya jamaa. Coutumière. Jamaa za kimila. Hier, ambazo jana, c'était des royaumes. Zilikuwa ni mafalme. Et des royaumes qui avaient des terres. Na mafalme zilizokuwa na. Il n'y a pas de roi sans terre ni sans homme. Hakukuwa na mfalme bila udongo ama bila watu. Maintenant, observez ceci. Sasa tazama hii. Depuis plusieurs années et siècles. Tangu miaka nyingi na karne nyingi. Nos ancêtres, nos aïeux. Mababu zetu. Pour la plupart. Wengi kati yao. On peut dire peut-être plus de 95%. Naweza sema asilimia 95. Ont choisi. Walichagua. De consacrer. Kutoa. Leur terre et leur peuple. Utongo wao na watu wao. Au diable. Kwa shetani. Voici la preuve. Quand on intronise un roi, on intronise un chef coutumier, on fait comment? On prie Dieu? On prie qui? Wanaomba nani? On appelle qui? Wanaita nani? On appelle les ancêtres? Wanaita mababu. On appelle les esprits des lions? Simba. On appelle les esprits de totem de cette famille. Wanaita maroza nyama ya ile jamaa. On les installe dans cet homme-là. Na wanaziweka ndani ya ule mtu. Or, ijapokuwa tout ce qui vient de l'ennemi Satan, yote inayotokea kwa adui shetani, ne contient pas d'amour, haina upendo, ne contient pas de perspectives éternelles, haina mitazamo ama shabaha za milele, ne contient pas haina des choses vraiment importantes. Vitu vya maana. Observez ceci. Chunguza hii. Le pays, le Congo, est énormément riche. Inchi Congo ni tajiri sana. Et dans chaque région de chaque chef coutumier, il y a de graves richesses sous-sol. Kuna kuwa utajiri mwingi chini ya udongo. Montrez-moi le chef coutumier qui est riche. Munionyeshe sasa ule mwami ambaye ni tajiri. Et ce chef de famille, na or, msimamizi wa jamaa, ce sont les parents du Congolais. Parce que partout au pays, chaque groupe des êtres humains sont régis par un parent coutumier. Conséquence, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Je vous disais, dans chaque coin et recoin de cette nation, il y a des richesses. Mais qui en jouit? Les étrangers. Si un Libanais arrive dans ce pays, même s'il vient à pied, il est pauvre parmi les pauvres du Liban. Il vient à pied. Il débarque au Congo. Regardez le seulement. Dans quelques instants, il devient riche. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous devenons jaloux de lui. Nous commençons à dire, mutoke murudie kwenu mweye. Munabeba richesse zetu mweye. Ah bon? Mais quand je suis arrivé, je vous ai trouvé dans vos richesses. Vous faisiez quoi avec? Quelle est la difficulté? le sceptre de la méchanceté a été installé sur les parents du peuple. Avez-vous déjà observé? Certains d'entre vous ont essayé d'aller creuser de l'or. Et on vous dit, il faut voir le chef coutumier ou il faut voir le chef X. Et quand vous allez le voir, il vous soumet à des conditions. Il dit, si tu veux aller creuser et avoir de l'or se présenter à toi, tu dois faire un sacrifice aux ancêtres. Si tu refuses, tu n'auras rien. Et tu refuses, et tu vas creuser, effectivement, tu n'as rien. Ceux qui font des sacrifices, c'est pas sacrifice quoi, humain ou tout ce que vous voulez, ressortent avec des richesses. Maintenant, suivez-moi attentivement. Lorsque tu obtiens des richesses, comme réponse à des sacrifices, il n'y a pas d'avenir avec ces richesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas d'avenir. Mais les étrangers, quand ils viennent, ils acceptent facilement de répondre aux conditions. Et ils gagnent. Et ils partent. Quelqu'un est allé quelque part pour essayer de faire ça. Et les anciens de ce coin lui disent, nous voulons bien, tu nous as fait du bien. Mais si on te donne une richesse ici et que tu pars, aucun de nos enfants ne va manger de ça. Voici la condition. Tu prends une de nos filles ici, tu l'épouses. Tu prends une de nos filles et puis tu résous les autres conditions. Et puis tu prends les richesses. Il leur dit, je suis marié. J'ai ma femme. Elle dit, non, mais si tu ne peux pas, donc c'est pas possible. Le peuple congolais, placé sous le sceptre de la méchanceté, quelle est la voie de sortie? Suivez-moi. Il faut qu'à un moment donné, l'être humain congolais s'arrête et évalue ses voies. Le fait qu'il y ait des sacrifices, des consécrations de la nation au diable, fait que même quand quelqu'un passe leader ou responsable, il est embrouillé par les influences maléfiques. Il peut être un homme simple, correct à un moment donné, mais dès qu'il accède à la responsabilité, il y a des influences, il ne sait pas sa vie d'où, qui influence ses décisions, qui influence ses attitudes et qui influence ses avis. Conséquence, l'entier peuple congolais tombe victime de ses choix, de ses décisions, de ses attitudes. Et dans ces conditions-là, quel est le diable qui veut du bien aux Congolais? Vous connaissez ce diable-là? Mais, dites avec moi, mais, si un responsable coutumier comprend que nos aïeux ont servi ces esprits. Et si nous remontons au premier aïeux, on l'appelle qui? On l'appelle? On l'appelle Adam. Si dans votre milieu, vos dieux s'appellent XY, vos aïeux s'appellent XY, remontez seulement la filière. Vous allez retrouver Adam. Et Adam a prié Yahweh. Vous voulez que je vous dise? Quand vous lisez Genèse chapitre 12, vous trouvez Abraham. Quand vous remontez un peu, vous trouvez une petite, une courte généalogie dans laquelle vous avez le nom du père d'Abraham. On l'appelle Terah. Il est cité une fois, je crois, ou deux fois dans la Bible. C'est fini. Abraham est cité combien de fois? Lakini Abraham anatajwa mara ngapi? Il est combien de fois cité dans la Bible Abraham? Anatajwa mara ngapi ndani ya Biblia Abraham? Au point que l'Éternel, na hata Mungu Yahweh, au point que l'Éternel, na hata Yahweh, est venu prendre son nom, alikuja toa jina lake, et l'a collé avec le nom d'Abraham. Na akaliambatanisha na jina la Abraham. Il dit vous prierez le Dieu d'Abraham. Anasema mtamuomba Mungu wa Abraham. Qu'est-ce que tu as fait, Abraham? Nini, Abraham? J'ai conclu alliance avec Yahweh. Avant Abraham, il y a des choses bizarres qui se font. Où les gens adorent l'ennemi, les idoles et tout ça. Et quand vous remontez, vous retrouvez les mecs. Fils de Caïn. Il est écrit, et les mecs pris deux femmes. C'était pas prévu. Genèse chapitre 3. C'était pas comme ça. Genèse chapitre 2 verset 24. Et l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme. Mais le grand frère a mis au monde un premier fils qu'on appelle le mec. Et le mec décide de faire le contraire. Unakufa nini we mtoto? Qu'est-ce que tu as? Il choisit d'aller chez l'ennemi. Anachakua kwenda kwa adui. Et que vous allez dans le chapitre 6. Unapenda kwenye sura ya 6. Dieu dit, Mungu anasema, je regrette d'avoir créé l'homme sur la terre. Nachuta kumumba mwanadamu. Je les exterminerai. Nitawaangamiza. Et le déluge est arrivé. Fika. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Unafanya nini Bwana? J'essaye de balayer. Niko nafatia. Ces êtres humains ne comprennent pas. Hawa wanadamu hawaelewi. Je vais commencer avec un individu qui comprend. Nitaanza pamoja na qu'il doit avoir Yahweh comme son Dieu. Ambaye naamini kwamba Yahweh ndiye Mungu wake. Et Noé na Noah offre un bon sacrifice. Anamtolea Mungu sabihi. Et Dieu dit, na Mungu anasema, je me repens. Je ne tuerai plus les gens avec les déluges. Sita wa tena watu kutokea garika. Mungu Baba. Il y a donc des destructions dans les parcours. Ni kusema kuna kuwa maharibifu ambayo itafanyika ndani ya safari. Jusqu'à ce que Dieu choisit. Mpaka wakati Mungu atachagua. De piquer un homme. Amchagua mwanadamu. Abraham. Ambao anamuita Abraham. Et conclut alliance avec Abraham. Na nafanya agano pamoja na Abraham. Et jusqu'aujourd'hui. Na mpaka leo. La descendance d'Abraham. Wazao wa Abraham. Elle a comme Dieu Yahweh. Wana Mungu ambaye anaitwa Yahweh. Regardez le peuple d'Israël. Tazama taifa la Israeli. Vous allez constater. Utagundua. Qu'ils sont redoutables. Ya kwamba ni wa kuogopesha. Dans toutes les nations. Ndani ya mataifa yote. Apparemment fragile. Wanaonekana kama dhaifu. Apparemment, il va tout le monde à Ivy. Si c'était déjà normal. Mais ose les toucher. Lakini waguse tu. Un jour, siku moja, je visitais la mer morte. Ni katembelea bahari ya chumvi. Et quand j'ai discuté avec le guide, na nilipokuwa naongea pamoja na ulalie je vois des camions qui sont comme des carcasses de guerre. Naona lori ambazo zilikuwa kama dans la zone là-bas. Je dis, et ça c'est quoi? Il dit, c'était la guerre de Kippour. Et c'était comment il me raconte? plutôt la guerre de six jours. Ilikuwa ni vita ya siku sita. Il dit, ananiambia, nous étions coincés. Anasema tulikuwa hapa kabisa. On était au bout. Tulikuwa ndani ya hatari, tulikuwa tumefikia mwisho. Nous sommes venus attaquer dans cette région ici. Na tulikuja kushambulia ndani ya eneo hili. Or ils avaient déjà miné tous les coins. Ijapokuwa walikuwa wameweka gombora ndani ya eneo yote. Et quand nous étions comme au coin du mur, na kama wakati tulikuwa kama l'Éternel est venu. Bwana wa milele alikuja. Il a provoqué na kaleta quelque chose. Kitu kimoja. Le doigt de l'Éternel est passé et a ramassé tous les bombes qui étaient partout dans la zone. Il y a eu comme un tourbillon Dieu a enlevé les bombes. Ça nous a permis de foncer et nous avons marché sur l'ennemi. Écoutez-moi. Ce sont des descendants d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, tu as aussi un père. Abraham, nawe suna baba. On l'appelle Terah. On amuita Terah. Mais on ne parle pas de Terah. Lakini awazungumzie Terah. Pourquoi? Sababu gani? Il n'avait pas d'alliance avec Dieu. Hakukuwa na agano pamoja na Mungu. Et vous les Archois, vous dites quoi? Na nyinyi wa na membo wa kanisa hili mnasema nini? Je suis niko ndani en alliance ya agano avec Dieu. Pamoja na Mungu. Si nos chefs coutumiers kama wa mizetu remontent la filière wanapanda pour retrouver les dieux des cieux ili wampate Mungu wa mbingu et conclure alliance avec lui, na wafanya agano pamoja naye, quelque chose va commencer au Congo. Kuna kitu ambacho kitaanza Congo. Ça va? Mambo ni sawa. Est-ce que ça va? Je mambo ni sawa. Il y a un chef coutumier ici. Hapa kuna mwami. Nous pouvons tunaweza tous sote, malgré notre lignée malheureux, ijalisi ukoo wetu ambao ni waole, malgré nos aïeux malheureux, ijalisi wa babu zetu ambao ni waole, nous pouvons commencer une nouvelle génération. Tunaweza kuanza kizazi kipya. Tu peux commencer avec toi. Unaweza anza kupitia wewe. Si tes aïeux sont morts de, c'est pas de quoi là, qui bébé là ou, enfin je sais pas ce que vous connaissez. Kama wazazi wako, mababu zako walikufa. Si tes aïeux ne mouraient qu'à 50 ans. Kama walikufia tu kwa miaka makumi tano. Ils n'avaient pas d'alliance avec l'Éternel. Hawakuwa na agano pamoja na. Ils étaient sous le coup de tous ces systèmes que vous venez de décrire. Le monde du diable avait des droits sur eux et exécutait ces droits. Mais quand tu quittes là et tu entres dans la zone de Dieu et tu conclues alliance dedans, le trône de Dieu télécharge les promesses d'Abraham sur toi, les promesses de Christ sur toi, et ton avenir change. Amen. Beaucoup de Congolais sont pauvres. Wakongomani wengi ni maskini. Même ceux qui sont dans les villages qui creusent. Hata wale ambao wako ndani ya vijiji ambao ndani. Regardez seulement leur comportement. Wanaondoa dhahabu. Angalia ils obéissent un peu aux conditions. Wanatii tu kidogo kwa. Ils creusent. Wanachimbua. Ils attrapent un peu d'or. Wanapata dhahabu kidogo. Un peu de diamant, un peu de ceci. Kidogo kitu kingine. Et tout de suite, na hapo haraka, ils sont comme maudits. Wanakuwa kama vile wamelainiwa. Il va boire. Anaenda kunywa. Il va se marier. Anaenda oa. Se marier, remarier. Anaoa, anaoa, anaoa. Et quand l'argent se termine, wakati pesa zinaisha, il rentre dans les trous. Anarudi tena ndani ya. Jusqu'à ce qu'il y aura éboulement. Mpaka wakati ambapo utongo utaweza kumwangukia. Vous avez souvent entendu ces choses. Si umesikia mambo kama na haya. Il y a eu 200 morts. Ils étaient dans le trou. Ils ont fait combien d'années dans ce travail-là? Pourquoi depuis les premiers jours, quand ils ont eu une bonne première quantité d'or, ils ne sont pas sortis pour prospérer avec? Pourquoi ils ne sont pas sortis du trou? Parce que les malheurs qui est autour Le sceptre du malheur, le sceptre de la méchanceté, de la pauvreté, marche sur eux. Elle n'est pas prête à les laisser jouir des richesses congolaises. Jusqu'à ce qu'il retourne dans le trou. Et quand il ressort, il va boire, il va fêter, il va ouvrir à, offrir à tout le monde. Jusqu'à ce que le minerai qu'il a pris, c'est terminé. Et il rentre à Zongili Boulou. Mes frères, un cercle vicieux. Le sceptre de la méchanceté doit s'arrêter sur ce peuple congolais. Mais il faut que quelques êtres humains comprennent comment s'en sortir. Il y a toutes les intimidations possibles. Que si tu ne passes pas par la voie coutumière établie, si on ne te charge pas de toutes ces provisions des ancêtres, tu ne vas pas régner. Et la conscience de cette menace fait qu'il soit soumis au maximum. Quelquefois, certains même vont dans des églises pour prier. Et quand ils rentrent dans leur bureau, est-ce que le problème c'est la costume de la peau de lion? Non. Le problème c'est, je suis connecté à qui? Bwana sifiwe. Amen. Je suis connecté à qui? Nasiliana na nani? Ok, je peux fermer la parenthèse? Naweza kumalizia hapo. Donc, n'importe qui, homme et femme, peut conclure une alliance avec Dieu et commencer sa propre progéniture. Une progéniture bénie. Tu n'es pas obligé de te clouer au sol sous les jougs de ces sceptres-là. Celui qui croit à Jésus-Christ est sauvé complètement. Et s'il est sincère et vrai, et il se répand, c'est Dieu-là peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'il pense. Je vais dire à un responsable coutumier, si tu comprends ces choses et tu te tournes à Dieu, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu es en train de te poser comme question. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu voudrais voir dans ta, dans ton royaume. Dieu peut faire infiniment au-delà par sa grâce. Amen. Amen. Amen. Amen. Lève-nous, on va prier. Les autres choses, le Saint-Esprit va nous les enseigner. Mambo mengine Roho Mtakatifu atatufundisha. Je vais quand même vous les citer, hein. Comme ça, un autre serviteur va prendre demain. Voici les conséquences. Restez debout, restez debout. Levez-vous. Je vous les cite. Bwana sifiwe. Amen. Lorsque Wakati les emprises où le sept, la méchanceté sociopolitique règne sur un peuple, wakati il se manifeste de la manière suivante. Il y a la destruction du tissu social. Genèse 13:13. Sodome et Gomorre sont sous le coup de ce sceptre-là. Et leur société est pourrie et bizarre. Deuxièmement, il y a établissement des lois d'inspiration satanique. Kuna kuwa kuwekwa kwa sheria zinazotokea kwa shetani. Vous pouvez prendre Exode 1:6-16. Unaweza kuchukua Kutoka 1:6-16. Vous pouvez prendre Esther 3:8-10. Unaweza kuchukua Matthieu 2:18-10. Matayo 2:18. Et vous verrez cela à la maison. Na utaona hiyo nyumbani. Les lois maléfiques. Masheria za uovu. Comme vous voyez ces lois s'établir aujourd'hui dans notre monde. Kama mnaona hizi masheria zikiwekwa leo ulimwenguni mwetu. C'est le sceptre de la méchanceté qui les produit. Ni fimbo ya uovu ndio inaileta. Troisièmement, ya tatu, il y a inversion des valeurs. Kuna kuwa kupinduliwa kwa tabia nzuri. Les hommes se marient avec les hommes. Wanaume wanaanza kufunga ndoa na wanaume. Les femmes se marient avec les femmes. Wanawake wanaanza kufunga ndoa na wanawake. Les femmes se marient avec leur cochon ou leur chien. Wanawake wanaanza kufunga ndoa na nguruwe zao na imbwa zao. Les hommes se marient avec leur cochon. Na wanaume wanaofunga ndoa na nguruwe zao. Inversion de valeur. Inakuwa kugeuzwa kwa fadhila ama tabia nzuri. Quatrièmement, ya ine, il y a asservissement des justes. Kuna kuwekwa chini ya utumwa kwa wenye haki. Les justes sont coincés par wenye cette société. Haki wanafungwa, wanakuwa chini ya utawala wa jamii. Tu veux rester juste dans ton travail. Unahitaji kubaki wenye haki ndani. Ton chef dit tu couches avec moi ou je te vire. Mkubwa wako anakuambia kama ulale na mimi unapokuwa asservi. Na unapokuwa chini ya utumwa unaangalia nje. Sans travail, qu'est-ce que je deviens? Bila kazi nitakuwa nani? Okay. Sawa. Naisha kambio. Ça va finir vite. Tu es asservi. Unakuwa chini ya utumwa. Le chef dit, bossi on doit bouffer cet argent. Tunapaswa kula hii pesa. Tu dis moi je suis chrétien, je prends pas. Nasema mimi ni Mkristo sitakula. Il dit, c'est toi qui vas signer. Nasema wewe ndio utaweka sahihi. Les justes sont coincés. Wenye haki wanakuwa kama wanafungwa. Les justes sont asservis. Wanakuwa chini ya utumwa. Le sept de la méchanceté. Fimbo ya uovu iko juu yao. Cinquièmement, ya tano. Vous pouvez voir cela dans Exode 3:7-10. Unaweza kuiona ndani ya Kutoka. Israël en Égypte. Israël ils sont asservis. Wako chini ya utumwa. Cinquièmement, ya tano. Il y a des tortures morales des chrétiens. Kuna kuwa kuteswa kimaadili cha kwa Wakristo. Ou dans certains des pays de notre génération. Ambapo ndani ya nchi on attrape les chrétiens et puis on les égorge comme des chèvres. Na kisa wanaanza kuwachinja kama vile en filmant. Kama vile mbuzi. Et il y a des êtres humains qui sont là qui sont contents. Na kuna wanadamu ambao wako pale wanafurahi. Et ils disent à l'autre chrétien, allez, égorge ton ami. Chinja rafiki yako. Et il égorge. Na namchinja. Torture morale. Inakuwa ni kuteswa kimaadili. Il y a des enfants qui sont torturés dans leur famille. Kuna watoto ambao wanateswa ndani ya jamaa. Par des parents méchants. Na wazazi ambao ni waovu. Torturés. Wanateswa. La liste est longue. Na orodha ni ndefu. Tout se résume. Na yote afin que le juste n'étende pas la main vers l'iniquité. Tout ce que nous avons partagé, les empreintes sournoises, les empreintes ouvertes, les empreintes sociopolitiques et ainsi de suite, ont comme finalité pousser les justes à tendre la main vers l'iniquité. Nous voulons prier pour notre pays. Alléluia. Amen. Vous qui vous êtes réassis, relevez-vous. Nous voulons prier. Notre programme. Pango wetu. Attention les enfants, ne faites pas tomber la pendule. Watoto msiangushe saa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré tout ce tableau triste, il y a un Dieu. Kuna Mungu. Il y a un. Kuna Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu? Mungu. On appelle Yahweh. On appelle Dieu vivant. Mungu tu as bien fait de le découvrir. Umefanya vizuri tu as bien fait de nouer avec lui. Umefanya vizuri tu as bien fait de le suivre. Umefanya vizuri il a commencé une génération nouvelle avec alianza toi. Tes enfants ne seront pas esclaves. Watoto wako watakuwa watumwa. Ta progéniture ne sera pas esclave. Tu vas être juste. Tu vas rester juste. Na utabaki mwenye afin haki. Que le fruit de tes entrailles soit béni. Et ils resteront bénis. Levons nos mains devant le Seigneur. Nous voulons prier pour notre société. Dieu dit à Israël, priez pour la ville où je vous ai placé. Parce que votre paix en dépend. Votre paix en dépend. Et j'aimerais dire quelque chose. Frère, n'hésite pas de postuler pour prendre une responsabilité de direction de la société. Alléluia. Les chrétiens ont développé une manie bizarre et très dangereuse de regarder la politique comme un péché. Et on peut même te dire, viens diriger ici. Tu dis, mini comme Christ. Frère, quand nous leur laissons diriger, ils nous dirigent sous le sceptre de la méchanceté. Jésus dit à ses disciples, le roi de ce monde vous tyrannise. C'est ça que nous vivons. Ils vous tyrannisent. Ils vous écrasent. Donc, allez postuler. Femmes et hommes. Jeunes et vieux. Récupérez les directions de la société. Et par vous, en tant que des justes, le peuple sera dans la joie. Le peuple ne va plus gémir. Le Congo ne va pas gémir. Levons nos mains, nous prions. Dites avec moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons à toi ce soir, en tant qu'église du Congo, représenté ici dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous levons pour le Congo. Nous nous levons en faveur de cette nation. Nous nous levons en faveur de ce peuple. Nous réclamons la vie pour le peuple congolais. Nous réclamons la vie pour notre peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons ta grâce insondable sur la RDC. Nous réclamons la grâce insondable sur la RDC. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous réclamons la résurrection de cette nation, la résurrection de la mentalité constructive du peuple congolais. Nous réclamons la guérison de l'esprit du Congolais. Nous réclamons la remise à vie du peuple congolais maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous nous levons contre le sceptre de la méchanceté qui plane sur notre pays, et qui est contrôlé par les les principautés, les pouvoirs, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Le prince de la puissance des ténèbres. Ce soir, nous nous levons contre ces institutions maléfiques. Ces institutions maléfiques dans les lieux célestes. Nous prenons notre autorité en tant qu'enfants de Dieu assis avec Christ à la droite du Père dans les lieux célestes. Nous prenons autorité sur ces institutions maléfiques au nom de Jésus et nous libérons la RDC, nous libérons la RDC, nous libérons les Congo, nous libérons les Congo, nous libérons les Congo, nous libérons les Congo, nous libérons les Congo. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, libère, libère, libère, libère. Quelqu'un prie le Seigneur. Quelqu'un frappe les mains. Quelqu'un frappe les mains. Nous détruisons les fondations maléfiques. Dans les lieux célestes, nous détruisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons les strongholds. Nous brisons les forteresses des pouvoirs, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes qui avilissent les peuples, qui avilissent les peuples, qui avilissent les êtres humains, qui amènent les hommes dans la bassesse, dans la misère intérieure, dans la misère morale, dans la bassesse morale. Nous détruisons ces fondements. S'il vous plaît, prions. Triomphe sur les influences des paresses. Triomphe sur la paresse. Triomphe sur la paresse, prie. Résiste à la paresse, prie. Libère ton pays, prie. Quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie. Quelqu'un est en train de libérer son pays. C'est ton héritage. Quelqu'un récupère son héritage. Quelqu'un récupère son héritage. Je récupère mon héritage. Ce soir, écoutez, cette affaire nous concerne. Tu dois prier. Quel bonheur dans cette société où est établie la justice. Quel bonheur de vivre dans un environnement de justice. Nous voulons prier. Lève nos mains. Dites Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es venu au Congo pour libérer ce pays. Et dans le nom de Jésus, je prie que tu suscites des justes, des hommes et des femmes justes qui vont se lever pour diriger, pour prendre des responsabilités, pour apporter la justice, pour apporter le droit, car ton trône est établi sur le droit et la justice. Mais voici, oh Dieu, il y a des justes qui se sont levés, mais qui sont influencés par le sceptre de la méchanceté et qui sont détournés de l'objectif et qui agissent comme ne te connaissant pas. Ce soir, nous venons en tant qu'église représentée pour libérer les justes. Et la prise du diable commence à libérer les justes. Libère les justes. Libère les justes de la mentalité de la pauvreté, de la négociation à l'estomac vide. Libère les justes. Libère les justes. Nous libérons les justes. Nous dégageons les justes. Nous dégageons les justes. Nous dégageons les justes. Nous dégageons les justes. Nous dégageons les justes. Nous libérons les justes de la méchanceté. Nous dégageons les justes des influences impures, des influences égoïstes, des influences méchantes, des influences de la corruption, des influences de l'injustice, des influences de méchanceté. Nous les dégageons. Nous les dégageons. Nous les dégageons. Nous dégageons les justes. Nous les dégageons. Nous les dégageons au nom de Jésus. Nous dégageons les justes. Nous dégageons les justes. Nous dégageons les justes au nom de Jésus-Christ. Libérons les justes de tous les vices, les antivaleurs. Nous les dégageons. Nous brûlons les antivaleurs dans leur cœur. Nous brûlons les vices dans leur cœur. Au nom de Jésus, nous brisons la méchanceté. Nous brûlons par le feu les œuvres des ténèbres, les fondements et fondations maléfiques. Nous les brisons au nom de Jésus. Dernière prière sur ce point. Écoutez-moi, frère. De ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez compris les fondements de notre malheur. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Merci Saint-Esprit pour cette révélation. Mais nous voulons prier maintenant et dire, Seigneur, aie pitié de nos parents spirituels, de nos parents sociaux. Il est écrit, Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu as des justes dans ce pays. Tu as une population dans ce pays qui te connaît, qui sont à toi. Elle s'appelle l'Église. L'Église est elle aussi un parent social. Nous allons prier comme ceci. Nous allons dire, Seigneur, tiens compte des parents spirituels chrétiens justes qui sont dans cette nation et passe par eux. Écoute ce qu'ils te demandent. Exauce-les. S'il y a des parents sociaux que tu n'es pas prêt à écouter, écoute ne fût-ce que les justes que tu peux trouver dans cette nation. Élevons nos voix et prions. Sauti zetu na tuombe.